sur la Transversale avec Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la Transversale. Kevin Laramé ici ce soir en direct du studio, le Sports Podcasting Network Studios. Merci de vous joindre à moi ce soir. On a les commentaires d'après-match dans quelques minutes de Mauro Biello et de Patrice Bernier du match d'hier soir. L'Impact recevait le FC Dallas, une des meilleures équipes de la conférence de l'Ouest au Stade Saputo hier soir. Ça a été un match en deux temps. Et malheureusement, le deuxième temps n'était pas en faveur de l'Impact. L'Impact a encaissé deux buts en deuxième demi pour perdre le premier match en sept au Stade Saputo. Il était invaincu en six récemment à la maison. Avec cette défaite, l'Impact se retrouve en difficulté au classement. On va parler un petit peu de ça plus tard. Mais le match d'hier, on commence par le positif ou on commence par le négatif? C'est-tu Dallas qui s'est bien ajusté puis qui est bien revenu en deuxième ou c'est l'Impact qui a eu de la misère puis qui a mal joué et a créé sa propre perte? C'est lequel des deux qui est arrivé? Et c'est un peu ça le questionnement que je me suis posé après le match hier soir. C'est Dallas, une équipe jeune, une équipe bâtie de main de maître par Oscar Pereira pour vraiment avoir une équipe qui le représente en tant qu'entraîneur, qui le représente en tant que philosophe du soccer, un MLS en tout cas, une équipe qui est faite en conséquence pour pouvoir s'adapter, jouer différemment de match en match pour être capable de bien s'adapter à l'adversaire. Et ensuite aussi les ajustements en cours de jeu, à la mi-temps et surtout 10 minutes après la mi-temps en deuxième demi. Dallas a été très, très, mais très efficace avec leur ajustement. Oscar Pereira. Et on va parler un petit peu de temps, ma théorie, hein, après les commentaires d'après-match, sur qu'est-ce qui s'est peut-être passé dans la tête d'Oscar Pereira, dans la tête de Mauro Biello et sur le terrain. C'est bizarre quand l'Impact a probablement mis leurs deux meilleurs joueurs sur le terrain à la 60e minute, et c'est là que le match a tourné à l'avantage de Dallas, malheureusement. Et c'est quelque chose qui est un peu surprenant, parce que les meilleurs, les points positifs du match hier soir, c'est Callum Mallett et Michael Salazar. Michael Salazar, pour un troisième départ de suite, marque un but quasi identique au but qu'il a marqué mercredi. Mercredi, c'était l'octet de Chris Duval. Cette fois, c'était Matteo Mancosu qui fait un jeu sensiblement pareil au jeu à Duval mercredi. Mancosu a le ballon à la droite du terrain face au but. Et un petit peu plus profond, revient sur ses pas, trouve l'espace entre les deux défenseurs. Centre, Salazar avec deux défenseurs sur lui. Deux défenseurs sur lui, trouve un moyen. En passant, les deux défenseurs étaient plus grands que lui aussi. Mais Salazar trouve un moyen de se placer à la bonne endroit, de faire un beau petit coup de tête et d'ouvrir la marque pour Montréal. C'est quelque chose qu'on ne s'entendait pas nécessairement. C'est quelque chose qui nous a tout un peu surpris. Le but est arrivé un peu de nulle part et Michael Salazar, son succès nous surprend un peu, nous, les observateurs ou les personne qui regarde l'Impact, qui est attentif au match de l'Impact, on est comme surpris un peu, mais on ne devrait pas être si surpris que ça. Quand on regarde le travail de Michael Salazar, quand on regarde son intensité, son acharnement, son deuxième, troisième, quatrième effort au ballon, ça fait une grosse différence. Quitte à se faire sortir à la 65e minute, même un petit peu avant ça, parce qu'il n'y a plus rien dans les jambes. Mais c'est ça, c'est quand même ça qu'on veut. Donne tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as, c'est 60, mais on va agir en conséquence. Il a marqué un but, on ne peut pas vraiment rien demander plus à Michael Salazar. Le match aurait peut-être été différent si Salazar aurait resté plus longtemps, mais c'est une décision qui était quand même une non-décision. Il y avait les jambes lourdes à mi-temps. Il en a parlé à Mauro Biello. Mauro Biello, vous allez l'entendre dans quelques minutes. Durant ses commentaires d'après-match, la question lui a été posée. Et il demandait à Mauro pourquoi Salazar a sorti. C'était carrément une question physique. Il sentait exténué. Après la mi-temps, il disait « Je vais peut-être être capable de donner un autre 10-15 à 100%, mais ensuite, il faut me sortir, les jambes ne sont plus capables. » Le changement qui a quand même posé plusieurs questionnements dans certaines personnes, c'est le changement de Carl Malice, par exemple. Carl Malice était le meilleur joueur de l'Impact hier sur le terrain jusqu'à temps qu'il se fasse sortir. Oui, pour Bernier et Piatti, c'était quand même un changement qui justifiable. Ça, c'est sûr. Sur papier, le changement, pas de problème, aucun problème avec ça. Mais c'est pas le papier hier soir, c'est sur le gazon. Puis sur le gazon hier soir, c'était une contre-réaction des changements de Piatti et de Bernier contre Malice et Salazar. D'autres joueurs comme Ballou qui a connu un match très difficile, quelques opportunités, oui, il crée quelques moments magiques, encore une fois, avec les dribbles et les 1 contre 1, mais il se retrouvait rarement à 1 contre 1. C'est souvent 1 contre 3, 1 contre 2 et demi, 3, un troisième qui venait l'aider, défenseur de Dallas souvent. Mais le troisième, quatrième dribble pour essayer de déjouer un adversaire, des fois c'est le dribble de trop. Et hier soir, ça est arrivé plusieurs fois que le dribble de trop mène à une perte de ballon, perte de possession. Et la perte de possession, la perte de ballon en deuxième demi, les revirements, ça, c'est ce qui a quand même causé la perte de l'Impact. Donc, il faut garder un œil averti sur le nombre de pertes de ballon, surtout en zone offensive pour l'Impact. Au lieu d'avoir une chance de marquer, on se retrouve avec une perte de possession. Souvent, c'est ce qui va arriver avec l'Impact dernièrement. On se retrouve en territoire adverse, on se retrouve profondément près de la boîte. 2-3 dribbles, perte de ballon, contre-attaque et une chance de marquer pour l'adversaire. Donc ça, c'est une des choses tactiquement qu'il faut vraiment garder un œil. La perte de possession du ballon, surtout en zone offensive, lorsqu'il y a une attaque surtout lorsqu'il y a un attaque en surnombre, c'est quand même pas le temps de perdre la possession du ballon. Vous m'avez entendu parler des propos de Mauro Biello? Bon, allons entendre Mauro Biello après le match. Et ensuite, Patrice Bernier, capitaine de l'Impact de Montréal. Mauro, à ton point de vue, dans quel aspect du jeu vous avez perdu le match ce soir? Je pense qu'on a joué contre une bonne équipe. Je pense que leur vitesse nous a fait mal. Ça nous a donné beaucoup de problèmes. On a pris l'avance en première demi, en deuxième demi. On a fait deux erreurs. Mais on avait beaucoup de problèmes, surtout de contrôler leur vitesse et d'avoir cette couverture dans différents endroits. Mauro, Plérine, plus souvent qu'autrement, vous a sauvé un peu au cours des derniers matchs. Est-ce que le manque de réussite de Mancosu, Oduro, Ballou, des éléments offensifs qui devraient produire, commence à t'inquiéter un peu? Ouais, je pense que ce soir, on a eu quelques chances, mais on n'a pas vraiment créé assez. Il n'y avait pas vraiment des chances claires, sauf peut-être Ballou et peut-être une fois Matteo. Je pense que... eux, il y avait un peu plus de ballon en première demi, ils nous forçaient, ils nous ont pressé, on avait un peu de difficulté à créer en première demi. Deuxième demi, ils ont compté deux buts vite et puis on a poussé un peu. Mais à la fin, il faut le donner crédit, c'est une bonne équipe, à mon avis, c'est la meilleure équipe qu'on a affrontée. Ils nous ont mis en difficulté, soit sur le contre-attaque ou en position. À la fin, il faut s'améliorer, il faut voir comment on se mesure. Ça, c'est une équipe très forte. Et si on veut être dans les meilleures équipes, il faut regarder une équipe comme ça, comment ils jouent. Mauro, ça fait deux matchs consécutifs avec celui contre Philadelphie où il y a énormément de revirements. On donne beaucoup le ballon à l'adversaire en milieu de terrain. Trop facilement. Qu'est-ce qui explique, selon toi, cet art de votre côté? Oui, il manque cette exécution au milieu, en défense, la relance. Je pense que il manque ce rythme qu'on essaie de trouver. Aujourd'hui, on a fait quelques changements, mais quand même, il faut être capable de jouer sous la pression, contre les équipes qui vont nous presser. Eux, ce soir, ils nous ont fermé très vite au milieu avec les deux centraux très forts, très agressifs. Et si tu ne bouges pas vite le ballon, ils vont le regagner. Alors, ça, mais aussi notre mouvement. Il faut se déplacer encore plus vite quand les équipes y pressent et ils sont agressifs. Et il y avait un manque de cet synchronisme ce soir. Est-ce que ce match-là n'illustre pas justement les propos que tu avais la semaine dernière sur le besoin d'avoir un milieu défensif qui gratte le ballon, qui garde et qui est capable de contrôler, d'orienter le jeu? On a senti que l'équipe reculait énormément dès la fin de la première mi-temps et n'avait plus les moyens de garder ce ballon. Oui, c'est normal. Notre récupération du ballon n'était pas forte. Et quand tu n'as pas le ballon, tu n'es pas capable de récupérer. Tu ne peux pas aller sur contre-attaque, tu ne peux pas avoir le ballon en possession. Alors oui, c'était une difficulté pour nous. Eux, ils l'ont fait très bien avec Grezzo et Oloa. Ils l'ont très bien fait. Toujours, Balou n'était jamais dans un 1 contre 1, même pas Salazar. Alors ils ont fait un excellent travail à retourner derrière le ballon. Et à la fin, ils étaient meilleurs que nous ce soir. Coach, you guys obviously went into the halftime break up one. What did you notice in the second half? Yeah, I think, you know, we were up 1-0, you know, but they were dangerous. I think they were dangerous on the break. They had their front four waiting. They defended six, strong, aggressive. They went back the ball, and they quickly find the other four. They had the two forwards and the two wingers waiting. And it gave us a little bit of trouble. Many times we were 4v4 at the back. And, you know, their speed gave us some trouble. Second half, we make a mistake. We're not able to clear that ball across the box. In the second one, we try to go on a counter. We were out of position, little ball over the top, and they scored. So these are, again, you know, then we didn't have enough going forward and finishing off our actions. Just also wondering the thought process behind bringing off maybe Salazar instead of a guy like Balou. What was the thought process behind that? Yeah, he was fatigued. Salazar was, you know, at halftime, he was complaining of heavy legs, and he said he'll go another 10, 15 hard, and then we were going to make the sub. So that was the decision. Chelsea's Mauro, what's the key to holding on to a lead in this league, and why have you guys had trouble recently? Is it mental, tactical? Yeah, there's a lot of factors. Obviously, we got to do a better job of taking care of the ball when we take the lead. It's not about taking the lead and now backing up. It's take the lead and now can we continue to play and follow the plan and try to get the second goal. And this has been the message. This is what we need to do to improve. And obviously, we saw tonight we played a good team. That if you make mistakes, they're going to make you pay, and that's what happened tonight. More of so many key players starting the game on the bench. Did you have a feeling of confidence going into the second half, knowing you could bring these guys back in? And does it make the loss even more disappointing after the way the first half went? Yeah, I mean, look, you know, Patrice is coming off of the Gold Cup. You know, we needed a little bit of depth there in midfield. Nacho's coming off an injury. So in the end, you know, I think tonight was a game where you know, we took the lead, we fell asleep in different moments defending for 5 minutes, and they're able to get those two quick goals. Obviously Nacho is, you know, he's gonna get his rhythm back and get himself going, and then Patrice also. So in the end, you know, having those guys off the bench, yeah, for sure you want, you're hoping for a spark, you're hoping for something, but tonight it didn't happen. From the crowd at the end, does losing in front of such a big crowd tonight make it even more painful for you? Or? Yeah, losing, of course. You never want to lose, especially not in front of your fans. I think it's disappointing. It's disappointing that we weren't able to give a better effort. But like I said, you know, there's things we got to improve on if we want to be up there. This was a good team, and they showed us tonight. D'un point de vue positif, Mauro, Salazar était en quelque sorte en audition après ces trois matchs-là, ces trois buts, sous l'impression qu'il a réussi ce qu'il avait à démontrer. Encore une fois, il compte un excellent but. Il travaille et puis après, il est récompensé. Et c'est ça qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, il continue sur cette séquence. Juste deux petites choses d'abord. la présence de Callum Mallus au milieu, ça a été le meilleur au niveau des passes dans le match de ce soir. Comment tu as trouvé son match? Oui, je pense qu'il a fait son travail. Il n'a pas joué beaucoup cette année, mais il a fait son travail au milieu de terrain. Je voulais amener Patrice pour donner quelque chose un peu plus offensif quand on était un à un. Et peut-être pousser l'équipe d'une autre manière. Je pense que Mallus a très bien fait au niveau de ce qu'on voulait de lui. Et juste un petit note sur l'avancement. Est-ce que c'était un pépin physique qui explique son retrait du 11 de défense? Présentement, Laurent n'est pas à 100%. Je pense que j'ai pris une décision d'amener un peu de fraîcheur. Il y avait cette petite chose à la jambe, mais ce n'est pas sérieux. À la fin, j'ai pris une décision d'amener un peu de fraîcheur défensivement. Maintenant, Patrice Bernier, c'était une opportunité ratée, surtout après avoir mené en première mi-temps. Oui, on a laissé le match aller parce qu'on menait quand même et puis on perd 2-1 à domicile, donc dans une possibilité où on a pu prendre 3 points et puis après avec les résultats qui se sont produits dans la Ligue, on a pu rapprocher certains adversaires, mais là, bon, on l'a laissé passer celle-là, donc il faut prendre les leçons de ce match parce que quand même, c'est une bonne équipe, il faut leur donner, là, ils ont des bons atouts, ils jouent un bon jeu, mais je dirais qu'on leur a plus donné l'opportunité d'aller chercher les 3 points qu'eux autres nous ont vraiment déstabilisé pour aller prendre ces 3 points-là. Ça fait 2 matchs consécutifs. Bon, tu n'étais pas là la semaine dernière, mais tu as probablement vu là, face au Union. Beaucoup de revirements, on donne le ballon trop facilement à l'adversaire au milieu de terrain. Qu'est-ce qui explique selon toi ce manque de cohésion, les déchets techniques? Un manque de cohésion, oui, mais je pense que des fois on est trop loin d'un loin de l'autre. Quand tu es proche, même quand tu fais une erreur, c'est plus facile de récupérer le ballon parce que là tu as souvent 3-4 joueurs alentour. Là, soit qu'on joue, on fait un jeu trop direct qui fait que le temps que tu veux rejoindre le jeu, l'équipe adverse gagne le duel, la tête, puis après ça, il recompte, donc qui crée beaucoup d'espace. Et puis après ça, bien, ça devient des duels à un contre un en majorité du temps, que ce soit au milieu, que ce soit en défense ou à l'attaque. Donc je crois qu'on est au niveau de pour le porteur du ballon, les options sont souvent trop loin ou bien sont cachées. Donc qui fait que tu dois forcer des passes ou bien tu fais un jeu. Des fois, on fait des jeux, on ne fait pas le bon jeu au bon moment. Es-tu d'accord avec Mauro qui disait que c'est la meilleure équipe que vous avez affrontée cette année? Oui, c'est une très bonne équipe. Ils sont très confiants à ce qu'ils font. Mais imaginez, il manque Kaylen Acosta puis Mauro Diaz n'a pas joué. Donc, ils sont très, très adroits dans ce qu'ils font. Ils se connaissent bien. Tu vois qu'ils sont très confiants dans leur système. Si c'est une des meilleures, oui, c'est pas pour rien qu'ils sont dans les premiers dans l'Ouest. La meilleure, non. Je dirais qu'il y en a des meilleures, mais c'est sûr qu'ils sont dans les meilleurs dans ce championnat. Idéalement, tu une soirée de congé, toi aussi, comment tu te sentais? Écoute, je savais qu'il y avait une possibilité de rentrer du banc. Donc, commencer le match, ça allait être pas évident parce que je revenais hier de voyager toute la journée. Mais non, à la fin, je me sentais bien pour rentrer, pour jouer quelques minutes. À la fin, c'est sûr. En plus, je n'ai pas joué, donc jeudi, donc j'étais frais dans les jambes. Après ça, à la fin, il n'y a pas d'excuse à faire. Donc, on est allé sur le terrain. Malheureusement, on n'a pas pu sortir la victoire. Mais non, moi, je me sens bien. Puis là, après attaquer une semaine de retrouver le groupe et puis réattaquer pour que la semaine prochaine on rectifie le tout et puis qu'on aille chercher une victoire. Je vais revenir un peu sur l'expérience avec l'équipe canadienne, avec la Gold Cup. Qu'est-ce que tu retiens de ces quelques semaines avec l'équipe canadienne? Je crois que c'est une équipe canadienne qui a joué avec panache et qui a joué avec confiance, qui ne s'est pas laissé décourager. Et puis à la fin, même si on est sorti et qu'on a voulu aller plus loin, je pense que ce jeune groupe-là, dynamique, a démontré que quand il joue avec confiance, il est capable d'aller chercher des victoires et de causer du danger à n'importe qui. C'est bon. Merci à Mauro Biello et à Patrice Bernier pour leurs commentaires d'après-match hier soir après le match Montréal-FC Dallas, 2-1 pour FC Dallas. Revenir sur un commentaire de Patrice Bernier qui parlait de la distance entre les joueurs, qui pourrait expliquer lorsqu'il y a un revirement, que c'est plus facile pour une équipe comme FC Dallas hier soir de créer un momentum, de faire un surnombre parce qu'il y a trop d'espace, le temps de réagir et d'essayer coéquipier est un petit peu trop long. Donc, le jeu direct de l'Impact hier soir a probablement nui à l'Impact et non aidé. Donc, c'est un peu dommage avec les joueurs comme Nacho Piatti, Patrice Bernier, Blérine Dimali, Balou Tabla sur le terrain, Mankosu. On a décidé quand même de décider. Le match a révélé l'instinct d'aller quand même jouer au jeu direct hier et c'est un petit peu dommage. Ça, c'est une des choses qui est importante à regarder. L'autre côté aussi, c'est vraiment, je crois qu'on doit donner crédit à Oscar Pereira, hier soir, d'avoir fait les bonnes décisions. D'avoir pris les bonnes décisions, même s'il s'est fait un jouer Figueroa, qui est arrivé à 2h du matin hier soir, ben, vendredi soir à Montréal, il a quand même fait jouer. Il est parti. Il a débuté le match. Il a joué tout le match. Instrumental. Mais ça devrait être quand même une autre histoire. Le match devrait être 3-1. Ça devrait être un tour du chapeau pour Coleman. Coleman n'avait pas inscrit un but cette année encore avant le début du match hier. Et, quoi, 21 minutes, un cafouillage dans la boîte de l'impact. Le ballon a l'impression de rentrer à l'autre côté de la ligne. Daniel Lovett s'est placé en arrière et le libère de la ligne. Il sauve l'impact d'un but. L'arbitre colle pas de but. Pas de but. Mais après reprise, et c'est quand même une chance que l'Impact a, que ce soit ce match-ci, non le prochain match au Stade Saputo. Parce que le prochain match au Stade Saputo, le 5 août, c'est le début de l'arbitrage assisté par vidéo. Avec un arbitre vidéo. Et si c'était le cas, ben le but aurait pas été, le but aurait été bon hier soir. Le but de Dallas aurait compté, ça aurait été 1-0, ça l'aurait été. Ça l'aurait été. Cela aurait été. 1-0 Dallas. Donc, l'Impact était chanceux, a gardé l'avantage dans le match, a été marqué quelques minutes plus tard pour être sûr que ça fait mal. Finalement, le retour du pendule est revenu à la deuxième demi. L'Impact a concédé deux fois. Mais Coleman a été volé d'un tour du chapeau. C'est dommage parce que, il n'avait pas marqué une fois cette année. Pour un attaquant, ça fait que le singe ses épaules, comme on dit en la langue de Shakespeare, le poids de la pression de son équipe, de ses coéquipiers, chaque opportunité ratée du début de la saison rajoute à peu près 100 livres de pression sur ses épaules. Hier soir, oui, il a enlevé la pression sur ses épaules avec ses buts marqués, ses deux buts, mais il aurait pu en avoir trois. Enfin, même si c'est un joueur de Dallas, c'est un joueur de l'équipe adverse, je trouve qu'il a été volé. Je me sens un peu mal pour Coleman. Fait Coleman, bravo pour ton tour de chapeau hier. T'as marqué trois buts. T'as pas officiellement marqué trois buts, mais trois fois, t'as réussi à diriger le ballon de l'autre côté de la ligne blanche. Puis dans mon livre à moi, ben ça, c'est trois buts. Fait Coleman, good job. Beau travail. Bonne continuation. Puis finalement, ouvert la colonne de buts et puis à zéro finalement. Au moins pour Coleman, c'est bon. Mais l'autre controverse, je crois vraiment que Evan Bush n'est pas dans son assiette en 2017. Je crois que Evan Bush est sur ses derniers milles avec l'Impact de Montréal. Peut-être que je me trompe. Je suis peut-être paranoïaque. J'ai peut-être des conspirations qui me traînent dans la tête, je ne sais pas. Mais Evan Bush n'est pas le même cette année. Entre tes poteaux, il n'est pas le même. Devant un micro, il n'est pas le même. Langage verbal, physique est différent aussi. Les résultats sont différents aussi. Une certaine facilité à expliquer, à découdre un match, Evan Bush l'a. Lorsqu'on l'entend parler après les games, c'est un des joueurs les plus intelligent pour disséquer un match, capable de trouver ce qui n'a pas bien été, trouver ce qui a mal été. Et souvent, il va être le premier joueur que les journalistes vont parler dans le vestiaire parce qu'il aide un peu à donner le ton, à vraiment expliquer les jeux qui ont été un peu controversés ou les jeux qu'on est un peu douteux. La vision d'Evan Bush sur le terrain, en arrière, lorsqu'il n'est pas impliqué, ça donne vraiment quelque chose de différent. De plus en plus, on remarque une certaine... un froid, un quatrième mur, un certain détachement lors des propos d'Evan Bush, qui se protège un peu lorsque des jeux un peu controversés dans la boîte, comme hier soir, lors des ballons qu'on croit peut-être qu'il aurait dû arrêter ou un ballon que plusieurs personnes croient qu'il aurait peut-être dû avoir une réaction différente. Auparavant, on aurait entendu des commentaires un peu différents et hier soir aussi, c'est souvent, je ne veux pas dire que c'est des excuses, mais des justifications souvent. Et ça révèle peut-être l'état d'esprit. Et je suis 100% d'accord que peut-être je me trompe, peut-être que je suis dans le champ gauche. Mais Maxime Crépeau, je crois que l'année prochaine, ça va peut-être le temps d'avoir sa chance. Si on regarde aussi le fait que la Ligue majeure de soccer est une ligue à plafond salarial. On regarde le salaire de Evan Bush. On regarde l'effectif montréalais. Et est-ce qu'il y a des endroits dans le 11, le 18, le 23 où ce qu'on pourrait utiliser ce 75-80 000 de différence qu'il pourrait avoir entre le salaire de Crépeau et le salaire de Bush l'année prochaine? Est-ce que cet argent-là pourrait être utilisé à meilleur escient? Oui! Oui! Est-ce que Tim Howard prouve depuis l'année passée qu'un gardien joueur désigné à plusieurs millions de dollars vaut la peine? Il a juste continué à faire ce que McMahon faisait au début de l'année. Il n'a rien fait de spécial. Oh, tout le monde, oh, Tim Howard. Tim Howard a continué la job que McMahon a commencé. Est-ce que Crépeau peut continuer le travail que Bush a débuté? Est-ce que Crépeau, le plafond de Crépeau, est-ce que le plafond de performance de Crépeau est plus haut que celui de Bush? Je pense que oui. Je pense que le fait de jouer internationalement pour le Canada, le fait d'être exposé à différents types de soccer quasiment tous les mois, te force à t'adapter. Lorsque tu es obligé de toujours t'adapter, tu découvres des nouveaux instincts, tu découvres une habileté à exceller en dehors de ta zone de confort. Et Maxime Crépeau, en tout cas, s'il y a une chose qu'il n'a jamais eu, Maxime Crépeau, depuis qu'il est pro, depuis qu'il a fait le saut avec le FC Montréal il y a 3 ans, c'est une zone de confort. Barouetter d'un bord puis de l'autre, des fois il y a du temps de jeu, des fois il n'y en a pas. Je pense que le temps de Maxime Crépeau est pour bientôt. Plusieurs supporters, plusieurs fans et observateurs aussi pensent que ça pourrait être une option pour l'année prochaine pour l'Impact. Maxime Crépeau, gardien numéro 1. Il y a un gardien français aussi qui est à l'essai depuis quelques semaines avec l'Impact de Montréal. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire rien? Ah, c'est dur à dire. On va voir dans le futur. Mais est-ce que dans une ligue, si on regarde purement, froidement même, je dirais, On oublie le fait que c'est des humains, on oublie le fait qu'on peut les échanger puis que c'est toute la famille au complet qu'il faut qu'ils déménagent. Tu changes l'enfant d'école, tu changes le salaire en argent canadien, américain, ou tu transfères le mode de vie est totalement différent. On oublie ça un peu puis on pense froidement. On va penser pareil comme un directeur technique pour une minute. On est dans une ligue à plafond salarial. La valeur apportée par Evan Bush, quand on compare le salaire, et quand on compare le nombre de points apportés cette année, ou de points sauvés cette année pour Evan Bush et l'Impact, c'est dommage à dire. Oui, Marc Eddy, en direct, il demande pourquoi pas cette saison. Je suis d'accord. Il faut trouver un preneur, par exemple. Et autant qu'on voit plus d'échanges en Ligue majeure cette année que les dernières années, l'échange d'un gardien en plein milieu d'une saison pourrait être difficile. Mais il y a des choses qui pourraient peut-être marcher. Columbus n'a pas nécessairement la meilleure saison. Evan Bush vient de l'Ohio. Ça fait depuis 2011 qu'il est très loin de chez eux. Peut-être que Evan Bush pourrait faire un échange avec Columbus. On pourrait chercher, je ne sais pas, moi. Merham, ça n'arrivera pas. Je sais que ça n'arrivera pas. La valeur de Merham est beaucoup trop grande par rapport à la valeur de Bush. Mais s'il y a un package qu'on peut faire pour envoyer ça en Ohio, puis rapporter quelque chose. Je prendrais un petit Justin, moi. Un petit Justin Merham dans mon équipe, là. En MLS, là. Fait toujours du bien. Mais je pense que c'est justement ce qui peut arriver. Peut-être dans cette fenêtre-ci du mercato, mais j'ai quand même une autre hypothèse pour cette fenêtre du mercato. On va finir l'émission ce soir en parlant d'échanges qui est quand même passé un peu sous silence cette semaine. L'Impact a échangé une place de joueur international à Vancouver contre de l'argent d'allocation générale. L'argent d'allocation générale peut être mis sur un joueur pour descendre son salaire et faire que son salaire ne soit pas aussi élevé contre le plafond salarial. Et le fait que l'Impact se départisse d'un spot international veut dire qu'ils vont signer un joueur qui n'est pas international. Puis, bien, on est au Canada ici. Fait qu'un joueur qui n'est pas international, ben, c'est un joueur canadien. C'est comme bizarre, hein? Il y a comme un nom que bien du monde, autant dans l'équipe que dans les bureaux, que dans les estrades, que devant leur écran de télévision. Depuis 2 semaines, il y a un nom québécois qui est entendu très souvent lorsqu'on parle de l'Impact de Montréal. Samuel Piet. Est-ce que c'est Samuel Piet? Est-ce que l'échange nous donne quelques indices que peut-être Samuel Piet est en chemin pour le Stade Saputo? Beaucoup d'hypothèses peuvent être faites. Certains même pensent jusqu'à dire que mardi, c'est la rencontre des membres avec la direction. Peut-être qu'il pourrait avoir des surprises. Peut-être que non. Je ne veux pas vous... Je ne veux pas non plus vous donner des faux espoirs. C'est pas mon cas. J'ai aucune information officielle en ce sujet. Mais si on regarde l'échange qu'il y a eu cette semaine, l'allocation contre un spot international, Montréal a un spot international de moins, donc pourrait avoir un joueur canadien dans sa mire. Ça ferait du sens. En tout cas, c'est un exercice de pensée et on va le savoir bien assez vite si Samuel Piet devient un membre du Bleu Blanc Noir. J'espère que vous avez aimé l'émission. Vous pouvez toujours me mentionner ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez entendre. A commercial Off the Woodworks ou A commercial Kev Laramé. Vous pouvez suivre la nouvelle page Facebook de Sur la Transversale. Sur la Transversale, facebook.com sur la Transversale. Les émissions en direct sont sur Facebook. En vidéo aussi, vous pouvez retrouver l'émission en format balado-diffusion, mieux connu sous le nom de podcast, sur iTunes, Google Play Store, partout où ce que vous trouvez votre émission, vous trouvez aussi sur la Transversale. Ah, dernière question ce soir à Marc Ligué. Alors, bye bye Bernard Dalot, si c'est le cas. Oui, ou ben Malice. Moi, c'est comme Malice, il a comme jamais eu sa chance, il a comme jamais eu la confiance à 100% d'avoir, en tout cas cette année, si on parle depuis 6 mois. Puis hier soir, le fait qu'il débutait, ça ressemblait beaucoup, selon moi, à une vitrine. Une vitrine pour Malus. Puis en plus, il a bien joué. Fait que la vitrine va peut-être porter fruit. C'est peut-être pas Bernardello. Bernardello, je pense qu'il pourrait être utile, Marc-Élie, sur l'équipe. Seulement, son utilisation devrait être peut-être mieux choisie. On l'a vu mercredi, il a peut-être connu son meilleur match depuis son retour avec l'Impact l'année passée. Donc, je pense que Bernardello, tout dépendant le salaire, tout dépendant l'impact qu'il y a sur le plafond salarial, il peut avoir une place comme réserviste, comme chauffe-bas et bien jouer dans la longue saison de la Ligue MLS. Je pense que seulement s'il devient un rôle de partant, que là, ça devient un problème de garder Bernardello. Mais je ne serais pas surpris si Malus est un des dommages collatéraux de la venue de Samuel Piet à Montréal. C'est quelque chose qui va est intéressant de regarder dans quelques semaines, mais quand même, le Piet Watch, on guette. OK, le Get Piet. Hein, on part un nouveau hashtag en français. Piet Watch, c'est anglais, ça. Fait que hashtag Get Piet. On va voir s'il arrive bientôt. Encore une fois, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux à commercial Kev Laramé. Vous pouvez trouver aussi la version podcast de Sur la Transversale sur sportspodcastingnetwork.com. Et je voudrais dire un grand merci à Gianni. À partir de demain, sur le réseau, vous allez entendre plusieurs nouvelles versions audio et aussi une nouvelle signature sur la Transversale présentée par Passion Soccer Boutique. Vaudreuil, Laval, Saint-Léonard est ouvert 24 heures au passionsoccer.ca. Passion Soccer Boutique, le choix des joueurs. Et jusqu'à la prochaine fois, ben, bon soccer!